Chapitre 27e. L'éternel ennemi. Le visiteur au loup de velours jeta sur le tapis, au milieu du boudoir, son prisonnier, et s'adressant à Miss Eden très calme, il lui demanda « Vous n'avez sans doute pas, madame, invité ce monsieur à vous rendre visite à cette heure, dans ce costume ? Alors vous m'autorisez à lui poser quelques questions sur son indiscrétion ?» Il se pencha sur le prisonnier. Le malheureux s'asphyxia absolument dans la cagoule de caoutchouc que serrait, collait, plaquait à sa figure la ceinture de soie rouge. Sous cette cagoule imperméable, il étouffait de chaleur. Après s'être battu formidablement, il n'avait plus maintenant que les soubresauts de mourant, de noyé. Le visiteur, l'homme au loup maintenant très calme, suivait ses mouvements, les étudiait, voulant se rendre compte du degré de résistance, de vitalité de son prisonnier. Quand il le crut assez faible, pour n'avoir plus à redouter aucune tentative de fuite ou de lutte, il défit sans se presser la ceinture de soie rouge. Débarrassé de ses liens, l'homme à la cagoule demeura étendu à terre, ne bougeant pas plus qu'un cadavre. « Vous l'avez tué ?» s'écria Miss Eden. « Non, madame, rassurez-vous, il est seulement à point. Je vous assure qu'il est mort. Zygomar est immortel. » Le visiteur au masque de velours noir alors débarrassa de la cagoule de caoutchouc le prisonnier, et celui qu'il appelait Zygomar apparut. C'était un homme, jeune encore, robuste, fort, mais son visage violacé, contracté par le commencement d'asphyxie, était épouvantable. D'un mouvement saccadé, brusque, irrégulier, il ouvrait toute grande la bouche, cherchant à prendre le plus d'air possible, à retrouver la vie. Le visiteur le regarda faire. Puis, se tournant vers Miss Eden, il dit en riant « Votre ami Paulin Broquet, s'il revenait ici, serait grandement étonné de retrouver son ennemi Zygomar, qu'il prétend avoir vaincu, et de le voir dans ce piteux état. » Il ajouta « Mais ne perdons pas notre temps. » Il déboutonna le veston de Zygomar et le lui enleva, le débarrassa également de son gilet, de sa chemise et de son maillot de corps, et mit ainsi son torse à nu. Le torse était puissant, musclé, et dénotait un homme robuste et pratiquant les sports. « Je vous demande pardon, cher ami, dit l'homme au loup de velours, de mettre devant vous cet homme dans cette tenue incorrecte, mais cela est nécessaire pour ce qui va suivre. » Alors il alla chercher une banquette en bois doré assez longue et deux accoudoirs. Il prit Zygomar à bras-le-corps, le souleva de terre et le posa à califourchon sur la banquette, appuyant son dos à l'un des accoudoirs, le plaçant en somme comme un cavalier arabe sur sa selle à dossier. Alors la ceinture de soie rouge, il attacha Zygomar par les reins à l'accoudoir devenant ainsi dossier. Et il relia au pied de la banquette et à l'accoudoir de devant, très solidement, les mains et les jambes du prisonnier. Ainsi lié, Zygomar, si grande que fût sa force, ne pouvait concevoir aucun espoir de se délivrer, ni même d'essayer de lutter. Il se trouvait bel et bien absolument à la merci de celui qui le tenait. Ceci fait, et ayant soigneusement vérifié les nœuds de la ceinture de soie rouge, le visiteur prit dans sa poche une petite trousse en cuir. Dans cette trousse, semblable à une petite pharmacie de poche pour le voyage, il choisit une ampoule de verre. Zygomar, attaché, demeurait le buste ployé, courbé en deux, la tête penchée sur la poitrine. L'homme au loup de velours passa la main sous l'arc que Zygomar formait avec son dos voûté, ses bras liés en avant, et sur la poitrine du patient, sous son nez, il fit d'un coup d'ongle sauter le bout filiforme de l'ampoule de verre. Un jet de vapeur se produisit avec un crépitement, et tout à coup, comme par enchantement, Zygomar se redressa, releva la tête, soupira, ouvrit les yeux, se retrouva, redevint lui-même. Arraché brusquement à cet anéantissement, à cette torpeur où l'asphyxie l'avait si douloureusement plongé, il éprouva un soulagement délicieux, un sentiment de bien-être complet et un retour à l'existence d'une douceur infinie. Il se mit à sourire au bonheur de vivre. Ses yeux, en s'ouvrant dans cette sensation exquise de fraîcheur, dans ces émanations balsamiques, réconfortantes et charmantes, ses yeux en s'ouvrant aperçurent le visage idéal de Miss Eden, ses cheveux d'or, son sourire. Et Zygomar, qui quelques secondes auparavant se mourait, épouvantablement asphyxié, put croire qu'il était mort, et qu'il entrait dans un des paradis dont se garde bien de parler l'austère Bible, mais que le divin Mahomet nous promet. Mais ses yeux, extasiés, peu après, aperçurent le visiteur qui, en riant sous son masque noir, le regardait, et aussitôt il tomba du paradis sur le terrain prosaïque de la terrible réalité. Et ses yeux émerveillés ne reflétèrent plus que l'angoisse, l'épouvante. « Remettez-vous, Zygomar, » dit l'homme au loup, « inutile d'essayer de lutter, d'espérer fuir. Par conséquent, ne vous épuisez pas en efforts stériles. Ne cherchez pas à appeler, cela n'aurait aucun sens, à crier. Vous me mettriez dans la pénible obligation de vous passer un baillon. Tout en parlant, il roulait un mouchoir. À son regard froid, Zygomar comprit que ce baillon lui serait appliqué de façon implacable, et que toute résistance, qu'il savait dès maintenant absolument vaine, aurait pour seul effet d'augmenter encore ses souffrances. Zygomar se voyait pris. Il comprenait qu'il ne pouvait s'échapper. Les liens qui le tenaient, il s'en assura, étaient solides, et les ligatures parfaites, les nœuds établis de main de maître. Par la force, la violence, il n'obtiendrait rien. Le mieux pour lui était de ruser, de gagner du temps. Il n'avait plus à compter que sur le hasard, sur l'imprévu, sur la diplomatie. Il se croyait sur ce dernier point, de taille à faire face à cet homme qui le gardait. Mais qui était cet homme? Il chercha à le reconnaître. Zygomar se disait fort judicieusement que, puisque cet homme conservait ainsi sur son visage un loup, c'est que cet homme ne tenait pas à être reconnu par son prisonnier. Donc, Zygomar le connaissait. D'ailleurs, outre le loup, Zygomar, qui en avait certes la grande habitude, vit que la barbe noire de cet homme était postiche. Alors il chercha à deviner la forme du visage qui se cachait ainsi sous un loup, sous cette barbe ajoutée. Il chercha à reconnaître la silhouette que l'habit de soirée ne déformait pas, à établir enfin l'identité de cet homme qu'il avait certainement déjà vu, qu'il devait assurément connaître. Et bientôt, à l'esprit de Zygomar se présenta l'image réelle de son implacable ennemi, de celui contre lequel il avait si durement, si longuement lutté, et dont il avait déjà maintes fois admiré les habiles transformations et durement senti les biceps formidables et la poigne. « C'est Paulin Broquet, » se dit-il. À vrai dire, cette supposition était assez logique, assez naturelle chez Zygomar. Il n'ignorait rien de la nouvelle et déconcertante amitié de Paulin Broquet et de Miss Hayden. Plusieurs fois, il avait vu Paulin Broquet pénétrer chez Miss Hayden. Il l'avait vu sortir de chez elle au petit jour. Il avait vu également Miss Hayden se rendre chez le détective après le spectacle et y passer de longues heures. La conviction que ce soir encore, Paulin Broquet se trouvait chez Miss Hayden était nécessairement facile. Donc, certain d'avoir reconnu son adversaire, Zygomar savait maintenant comment se défendre. Et avec plus de confiance, il attendit les questions de l'homme masqué qui, lui, devait se croire bien à l'abri, sous son loup et derrière ses postiches. Et c'est avec un regard non dépourvu de raillerie que maintenant il se tournait vers cet homme. « Oui, bah, pensait-il, je te connais, beau masque. » Mais l'homme au loup avait, pendant ces quelques dernières minutes, fouillé dans les poches du veston de Zygomar. Il en tira des écrins, des bijoux, un collier de perles magnifiques. « Décidément, mon cher Zygomar, vous tenez à voir tous les colliers de Miss Hayden. Celui que vous avez volé au cirque ne vous suffit pas. Il vous faut toute la collection. Vous êtes trop amateur. » Et remettant ce collier et ses bijoux à Miss Hayden, il ajouta « Zygomar pense que votre beauté est assez grande pour se passer de ces vains ornements. Mais comme vous tenez à ces babioles, je vous les rends. » Ce geste acheva de convaincre Zygomar qu'il avait affaire à Paulin Broquet. L'homme au loup fouilla encore dans les poches du prisonnier. Il en tira un revolver, un poignard, tout l'attirail d'un fumeur. Mais il ne trouva probablement pas ce qu'il cherchait, des papiers, des indications, quelque chose se rapportant à Zygomar même. Alors il revint à son prisonnier. « Eh bien, mon cher Zygomar, voyons, causons un peu.